chege. Ato nuzo lo flora yasa. Ibala makuiza poste makuela. Jampi wable. Get ça. Malébé sukukoma, babise volé. Malébé sukukoma, hey yeah, hey yeah, kocho kocho, hey yeah, hey yeah, kocho kocho, masala mwe, kocho kocho, masala nyame, kocho kocho, masala mwe, kocho kocho, alana, hey yeah, hey yeah, roi des mille, kocho kocho, kocho ya somwe, dodonga la dadi kisauce.

L'assurance. RDC. Jeff Pembele na V12 Universal Bar na Brazzaville. Commandant Tseka, Guerre de Santa. Planète tropicale Motepela chez Bobo Liziba na Suisse. Ya ben na Luanda. José Kongolo FBI na Paris. Salut les copains. Les Italiens toujours en connexion. Best Montana, Achille Lugier, Zemba, Hans. Et tous ces hautes tensions. Likamboisson, Madouki Bambe, l'an 2000. Merci. Elvis Mbaki, Papa Naglodi, Potrago, chez Tonton Namatadi, Bali Ampiko. John Misitu, président Pierrette Lusala, RTBC Bandambungu, Jean aussi Mwana Mbote, Simone Lembo, Pambou Fukula, Ribouda Dawa, Yila Diluzo, Robert Vieille. Remarqué et remarquable Serge Kassala. Doucement Kimbanseke, doucement Papa Lobé, doucement Bachege Nyonso, Boyamba, Yambona Esprit à bien. Et Kiri Kosovo, Bana tout du jour, Kanda Kanda. John Zwicky, Dudu Mukuna, 33 Chitenge. Vous êtes amis. bendela ici. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Ah, Nzambe na nga. de l'ami Golden Boy. Alice Lance Tomasi. Chassez, Paco, chassez, à Cameroun.